faut brûler mon gars chill. Me fait de fifi sur fast leave en pile. Stack money jusqu'aux enseignes en pile. Descends, mais JD, c'est pas si tant pur, but real. Pis la liberté, ça a tué en train de faire son shit dans le réservoir de la ville. C'est ça un deal? Quand j'insulte le monde, j'ai un bill, c'est une drill. Défonce le golf ball, j'ai tête sur du black, black money red. Call me corny, beat comme Jiggy, feel les frappes sur le casier comme Virginie. L'aide de bonheur, de rip, l'aide de bonheur, le fuzzy beat, de real part, un stylo big amateur. Tu veux une île, tu veux une ville, tu veux un chenil, tu veux une mine pour ton fils. Oui, que tu fisses dans le million de mille de plus. On se rejoint, c'est l'heure au bain, on toys russe. Ça pas de sens, même tu l'as fait faire du lot. Même si tu blesses, même tu l'as fait faire du lot. J'pomp vite, gorge sèche, même tu l'as fait faire du lot. Ça cause qu'on a du loup, que là-bas y'a pas de loup. T'as le tremblement de terre, ça l'a fait du faire du lot. Reconstruire, c'est faire du lourd avec du loup. Mais la garde pis la pêche, peux te dire que c'est des concepts axes. J'fais des levées de fond, j'roule un gros toxon. Écoute-moi baby, que tu sois le couvain, faut que tu payes avec du paper. Fait que tu fais ta see you later, me too hater. Oublie pas les potatoes, pis demain un bisou baby. Pis si t'es sympa, va t'amener faire un tour de skater. Prochaine paper, t'es des scooters, si j'la ferme pas dans le bouddha. J'suis barracuda, baby tu penses que j'joule. Mais quand tu me dis ce ho, j't'ai comme moi j't'en fais cadeau. Viens me servir la pizza chaude, donc tu me traites pas le beginning yo. Viens connaître ça bien comme faut, ben promo, ben corpo, ben propos. Limousine avec comme on fait ton shit, my aim. Fais pas ton pédo bro, tu veux vivre dans le game. Tu veux pour finir avec un peu peace dans le brain. Peace dans le frame, peace dans la scène. À toutes les cats qui chill, à toutes les kids nés dans les années 2000, qui ont jamais dû recharger deux piles pour écouter le vinyle, man. C'est difficile, man, tu connais-tu le shit, man. Deal, man. Real, man. It's ill, man. Still, man. Pauvre, ça a pas de sens, même tu l'as fait faire du lot. Même si c'est baisse, même tu l'as fait faire du lot. J'pomp vite, gorge sèche, même tu l'as fait faire du lot. Ça cause qu'on a du loup, que là-bas y'a pas de loup. T'as le tremblement de terre, ça l'a fait du faire du lot. Reconstruire, c'est faire du lot avec du loup. J'mène la garde pis la pêche, peux te dire que c'est des concepts axes. J'fais des levées de fond, j'roule un gros toxon. Tu l'as fait faire du lot. Tu l'as fait faire du lot. J'pomp vite, gorge sèche, même tu l'as fait faire du lot. Ça cause du loup, que là-bas y'a pas de loup. T'as le tremblement de terre, ça l'a fait du faire du loup. Reconstruire, c'est faire du loup avec du loup. Mène la garde pis la pêche, peux-tu dire que c'est des concepts abstraits. J'fais des levées de fond.